la princesse Oten compte évidemment Persan, par Miguel Zamacois. Il y avait une fois un pauvre diable de Persan qui aurait répondu au nom de Basir si on l'avait appelé. Mais comme il était misérable au-delà de l'estimation la plus pessimiste, personne ne lui adressait la parole. Il ne conversait qu'avec quelques parias, qui se souciaient peu de son nom, habitués qu'ils étaient à s'interpeller entre eux de cette façon simplifiée. « Et dis donc, toi, l'autre pouilleux !» Basir n'avait pas de métier. Quand la faim le pressait, il suivait une voiture transportant des sacs de riz, faisait un petit trou dans l'un des sacs et recueillait de la fontaine de riz qui coulait interminablement deux poignées de grains dont il subsistait 4 jours, car le riz gonflait énormément à la cuisson. Lorsque la soif se faisait sentir, il embrassait sur la gueule un étrange petit lion en porphyre, lequel projetait perpétuellement dans une basque, par la dite gueule, un filet d'eau fraîche et pure, vu qu'il était un lion de l'espèce dite de fontaine. Ne pouvant, à cause de ses ressources nulles, que demeurer dans la rue, Basir n'avait que l'embarras du choix des logements. Il avait opté pour le voisinage immédiat de la basque au petit lion étrange pour 3 raisons. La première, c'est qu'il avait ainsi la boisson à portée de ses lèvres. La seconde, c'est que là passaient tous les chariots transportant le riz. La troisième, c'est que le mur immense du sérail projetait toute la journée sur ce coin une ombre rafraîchissante. Car ceci se passait, comme dans tous les contes persans authentiques, dans des temps très anciens, où le soleil était sensiblement plus en feu qu'à présent. À quoi pensait Basir, entre ses gorgées d'eau et ses bouchées de riz ? À rien. Il s'était vraisemblablement dit, une fois pour toutes, « Je suis oriental, donc fataliste, attendons la suite. » Et il attendait sous un platane, qui possédait cette qualité d'abri sans espérance que nous attribuons chez nous à l'orme. Basir avait donc renoncé depuis longtemps à toute intervention de l'imprévu dans la monotonie de ses jours, quand se produisit un événement extraordinaire. Très haut, dans le mur blanc et uni du mystérieux sérail, une petite fenêtre, immuablement obstruée par un volet de moucharabie, était percée. Ce petit carré sombre, oasis minuscule dans l'immense désert de chaux éclatante, constituait le point de mire naturel de Basir pendant les heures interminables qu'il passait étendu sur le dos. Depuis l'âge de 12 ans, âge auquel, renonçant aux jeux agités, il était devenu un paresseux immobile conscient, il regardait ce volet ajouré sans autre effort d'esprit que cette pensée « C'est un volet, et il est à jour. » Cette vérité mijotait dans sa cervelle depuis 23 ans, puisqu'il en avait 35, au moment où commence cette histoire bien persane. Donc, un soir, à l'heure où les chameaux vont boire, quand on les y mène, le petit volet, à la grande stupéfaction du contemplateur, bascula sur un axe médian, et sous le store de bois ainsi improvisé, apparut, curieux, inquisiteur, effaré de son audace, le visage de jeune femme le plus ravissant, le plus frais, le plus délicieux, dont jamais conteur des mille et une nuits ait jamais entrepris la description. L'apparition paradisiaque ne dura, hélas, qu'un court instant. Le charmant visage fut brutalement ramené en arrière, et le volet claqua sec, cependant qu'éclatait le tapage relatif d'une aigre voix d'eunuque. Trop tard, le coup était porté, le rêveur passionné et romanesque, qui somnole traditionnellement dans le cœur de tout persan ancien, venait de se réveiller. Basir aimait. Et il devint immanquablement le Geoffroy Rudel languissant d'une princesse, non pas lointaine, mais plutôt, à cause de l'altitude de la fenêtre, hautaine. À partir de cette minute, sa vie eut son secret, son âme eut son mystère. Il ne se faisait d'ailleurs aucune illusion sur l'avenir réservé à son amour. Des murs épais, des portes dérouillées, des gardes armés et pas mal d'autres choses encore s'opposaient à tout développement optimiste de l'aventure. Ce qu'il souhaitait seulement, c'est de revoir une fois, une seule fois, la merveilleuse princesse Oten avant d'aller se volatiliser dans l'infini. Hélas, un bruit de martèlement lui avait révélé qu'on clouait implacablement le moucharabi. Pour apercevoir seulement la princesse à travers l'ajour du volet, il aurait fallu grimper jusque là-haut. Or, si renommé que soit le Levant pour ses échelles, il n'en fournit pas communément de si élevées, surtout à l'usage des simples gueux. Cependant, Basir, contemplant, allongé sur le dos, la fenêtre à jamais close de l'aimé, eut un sursaut d'espoir en apercevant, dans le prolongement de son rayon visuel, une des branches du platane, laquelle tendait vaguement dans la direction de son rêve. Les orientaux, surtout dans les contes d'amour, sont ingénieux et patients. Une expression de satisfaction se peignait sur les traits du persan couché. Il eut le trémoussement d'un homme qui s'installe pour une attente prolongée. Et il attendit 25 ans, au bout desquels il constata que la branche du platane atteignit enfin le panneau du Moucharabi, et qu'elle était de force à supporter le poids d'un grimpeur. Secouant alors une apathie contemplative demi-séculaire, il monta le long de la branche par une sombre nuit. Parvenu à la hauteur du volet, il y colla son œil et put regarder dans la chambre brillamment illuminée. Sur un divan se tenait accroupie une énorme maman sultane débraillée de 45 ans, que la privation de grand air avait fanée et que le manque d'exercice et de corset avait conduite doucement mais sûrement à un enlisement adipeux sans remède. Une douzaine d'enfants d'âge échelonnés grouillaient autour d'elle, talochés par 6 vieilles négresses luisantes. Il fallut à Basir exactement 20 secondes pour dégringoler du point qu'il avait mis en somme un quart de siècle à atteindre. Il s'incrusta de nouveau dans la place que son séjour prolongé avait creusée dans le sol. Seulement, comme la fenêtre ne l'intéressait plus et qu'il sentait le besoin de se délasser de 48 ans d'ankylose, il se coucha cette fois sur le ventre. C'était La princesse Hautaine par Miguel Zamacoïs.